بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses bienfaits et de nous avoir permis de se réunir pour la compréhension de notre religion à travers ces moyens de communication. Inch'Allah, ce sera notre dernière assise autour de ce sujet. L'hiver est là. Il faut savoir faire en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire très attention à certaines choses qu'il ne faut pas faire durant la saison d'hiver. Il y a des choses qu'il faut éviter et qu'il n'est pas permis de faire, qui sont interdites. Le fait d'insulter le temps en disant qu'il tend, il pleut encore, aux expressions avec lesquelles j'évite de souiller votre vie. Et celui, car le temps est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. En insultant le temps, on insulte son créateur subhanahu wa ta'ala. Et celui qui insulte le temps ne l'estime pas comme il se doit. Il n'estime pas la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être estimé. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son authentique qu'Abu Huraira radiyallahu anhu ardah, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dit, le descendant d'Adam ne m'estime pas, il insulte le temps, et c'est moi le créateur du temps, je fais suivre le jour à la nuit. Et dans une autre version chez Muslim, n'insultez pas le temps, car le créateur du temps, c'est Allah. Donc, nous devons faire très attention à ce que nous prononçons. Le messager d'Allah rapporte de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que celui qui insulte le temps au moment de la pluie, ou des vents, ou des catastrophes et autres, en agissant ainsi, il insulte Allah et ne l'estime pas, car c'est Allah qui crée ces choses uniquement, subhanahu wa ta'ala. Le temps est une créature d'Allah, durant lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu qu'il se passe des événements. Donc le fait d'insulter le temps est interdit, et c'est une contradiction avec le monothéisme complet. Quant au jugement de celui qui insulte le temps, il y a là deux situations. La première situation, comme disent les savants, il insulte le temps en croyant que c'est le temps qui fait ces événements, la pluie, les vents, les inondations et autres. Ceci est une mécréance claire et c'est une mécréance majeure qui sort de l'islam. La deuxième situation, il insulte le temps car il y a ces mauvaises choses qui s'y passent tout en croyant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. Et là, c'est un acte illicite et une diminution du monothéisme de la personne. Donc, comme les expressions qu'on entend, le temps est traître, c'est une mauvaise année, quelle mauvaise semaine, qu'Allah maudisse le jour où je t'ai rencontré, et ainsi de suite. Ceci prouve, en agissant ainsi et en formulant ce genre d'expression, ceci prouve la diminution de la raison et de la religion de la personne. Car rien n'existe sans qu'Allah ne l'ait voulu. Et c'est Allah qui a fait le temps, qui fait le temps, et c'est Allah qui fait ces événements qui se passent durant le temps. Et il y a une grande différence, il faut faire très attention à un point essentiel ici, il y a une grande différence entre le fait de décrire le temps et le fait de l'insulter et de le maudire. Il est permis de décrire le temps en disant le froid d'aujourd'hui est dur, c'est une journée glaciale et des expressions pareilles, ou cette année est une année de tristesse. Pourquoi? Pour certains malheurs ou que la personne a subi, etc. Et on a ce genre d'expression, une année de tristesse, dans la biographie du messager alayhi salam. Et dans le livre d'Allah, il y a la description du temps. Donc, mais ça ne concerne que les descriptions. Et donc, parmi les descriptions qui sont relatées dans le Coran, قال عز وجل في أيام النحسات. Donc, dans sourate, les versets détaillés, verset 16, le verset dans sa traduction approximative nous dit ceci, ont des jours funestes. Et il les a décrits comme étant funestes. وقال عز وجل في يوم نحس مستمر. Et dans sourate la lune, verset 19, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela, on a un jour perpétuellement funeste pour eux. C'est-à-dire pour ceux qui ont subi le châtiment. Et il l'a décrit étant perpétuellement funeste. Donc, il convient en croyant, quand il y a des catastrophes, soit quand il y a des catastrophes, de savoir que tout ce qui se passe, la nuit comme le jour, en bien et en mal, est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala aura lieu, et ce qu'il ne veut pas, il n'aura pas lieu. Et donc, le croyant loue Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. Donc, il est du devoir du serviteur de faire très attention et de ne pas insulter le temps, car il fait partie des créatures d'Allah. Il en est de même pour le vent, car il souffle par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et dans le hadith authentique, authentifié par Cheikh Nasr Dil Albani, rahmatullah alayh, dans son intermédiaire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas le vent, n'insultez pas le vent. Si vous voyez quelque chose que vous détestez du vent, c'est-à-dire son grand froid ou sa grosse chaleur, dites plutôt, « Oh Allah, nous te demandons le bien de ce vent, et le bien qu'il contient, et le bien qui lui a été ordonné, et nous cherchons refuge auprès de toi du mal de ce vent, et du mal qu'il contient, et du mal qui lui a été ordonné. » Voilà ce que nous devons dire, et non pas insulter le vent ni le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit le fait d'insulter le temps, car le fait d'insulter le vent, car le vent est une créature d'Allah. Puis, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'oriente comme il veut. Et Allah et le messager alayhi salam a orienté sa communauté vers le fait de demander le bien du vent et de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal du vent. Et celui qui insulte le vent, il a deux situations, comme celui qui insulte le temps. Et il est permis aussi de décrire le vent sans le maudire et sans l'insulter. Et ceci est relaté dans le Coran, dans la parole d'Allah azza wa jal. قال عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. L'inévitable, verset 6, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela, quant au peuple de Ad, il fut détruit par un vent glacial et violent. Donc, et notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le dua au moment où le vent souffle. Donc nous devons apprendre le dua et le mettre en application au lieu d'insulter les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est quand le vent souffle violemment et quand il y a le tonnerre, les éclairs, il faut avoir peur. Au lieu d'insulter le vent, il faut avoir peur que ça ne soit pas un châtiment. Alors qu'on entend des gens, au lieu de reconnaître que les événements sont créés par Allah, ou ils attribuent cela aux effets de la nature, aux catastrophes naturelles, etc. Alors que tout ceci n'est que la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tout ceci ne sont que les créatures d'Allah. Allah les a créés pour que les gens se rappellent que c'est Allah le souverain du monde et que tout ce qui se passe dans l'univers ne peut exister que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre devoir en tant que soumis à Allah, nous devons reconnaître la souveraineté d'Allah sur cet univers et ce qu'il contient. Et nous devons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala, chercher sa protection, faire dua, implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons faire très attention à la dureté du cœur, qu'il ne devient pas insensible et dur, il ne réagisse plus aux événements que Allah subhanahu wa ta'ala envoie comme leçon. Et parmi les choses qui ne doivent pas nous induire en erreur, les prévisions météo. Ce ne sont que des études scientifiques très développées qui consistent à prendre des photos, des nuages, de leur épaisseur, avec les calculs de la vitesse et de la direction des vents, et selon les calculs et les estimations de tout cela, les spécialistes obtiennent les prévisions de météo d'un jour ou plus, que ce soit pour la quantité de la pluie, ou la chaleur, ou le froid. Et selon les études scientifiques, les prévisions météo d'un jour ou de deux peuvent être vraies jusqu'à 90%. Et au-delà de 5 jours, ils avoisinent les 60%. Là, ce ne sont que des prévisions basées sur des études scientifiques. Mais l'orientation des vents, la descente de la pluie, c'est Allah qui décide quand et où. Et il faut savoir que ces prévisions n'ont rien à voir avec la science de l'invisible. Ce ne sont que des calculs et des estimations. Et parmi les choses auxquelles il faut faire très attention, c'est le fait d'accomplir parfaitement les ablutions. Car comme il fait froid en hiver, certains ne remontent pas comme il se doit leurs manches, ce qui fait qu'ils ne lavent pas les coudes. Et ceci est très grave. En plus du fait de faire rater les mérites de l'eau d'eau à la personne, son eau d'eau n'a pas eu lieu et partant de là, sa prière aussi n'a pas eu lieu. Donc nous devons faire très attention à cela. Alors que notre messager sallallahu alayhi wa sallam a incité la communauté à accomplir parfaitement l'eau d'eau. Écoutez ce mérite dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah qui dit: j'ai entendu Khalili, sallallahu alayhi wa sallam, dire: la parure des croyants couvrira tous les membres touchés par les ablutions. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Écoutez cet avertissement dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As et selon Abu Huraira et selon Aisha ridwanullahi alayhi majma'in, ils ont dit que le messager d'Allah a dit à ceux qui n'ont pas lavé, bien lavé leurs pieds, il leur a dit: malheur à ceux, il a dit à ceux qui n'ont pas lavé correctement leur talons au cours des ablutions, ils seront châtiés par le feu de l'enfer. Ils seront châtiés par le feu de l'enfer. Donc, hiver comme été, il est obligatoire de laver l'intégralité des membres concernés par le lavage dans les ablutions, et de ne pas être négligent à ce niveau-là. Le fait de négliger un membre, ceci est un grand péché, car il en découle le châtiment de l'enfer. Le messager d'Allah a cité ici les talons, car en général, l'on n'y arrive pas. Et de cela découle la nullité de l'eau d'eau et de la prière en plus, de cet avertissement du châtiment avec le feu de l'enfer. Et il y a que l'eau d'eau n'a pas eu lieu et que la prière n'a pas eu lieu. En plus de ça, le châtiment du feu de l'enfer, l'avertissement avec ce châtiment du feu de l'enfer. Et parmi les erreurs que commettent ceux qui se chauffent avec les chauffe-eau à gaz chez eux, c'est de ne pas les éteindre la nuit. Il faut prendre cet ordre par de notre messager alayhi salatu wassalam. Mais dites-le bien et soumets-toi à son ordre, sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'histoires nous avons entendues de frères et sœurs qui sont morts asphyxiés par le gaz du fourneau à gaz. Selon Jabir, le messager d'Allah a dit: Écoutez bien ce hadith. Couvrez les ustensiles et fermez les réceptions d'eau, c'est-à-dire les jarres, les bidons ou autres. Et éteignez les cierges et fermez les portes, car Shaitan n'ouvre pas les récipients d'eau, il n'ouvre pas les portes, il ne découvre pas les ustensiles couverts. Et si quelqu'un et si quiconque parmi vous ne trouve qu'un bout de bois à mettre sur son récipient, qu'il le mette en prononçant le nom d'Allah. Hein? Et il a dit, éteignez les cierges. Et à la fin du hadith, il a expliqué pourquoi. Il a dit, car le fouet siqa, c'est-à-dire la souris, allume le feu dans les maisons des gens. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Le fouet siqa, la souris, allume le feu. Hein? Et ceci est un hadith relaté chez l'imam Bukhari. Donc, il faut couvrir les ustensiles, ne serait-ce qu'avec un bout de bois si on n'a pas de quoi les couvrir, en prononçant le nom d'Allah, bismillah. Pourquoi? Car, dans un autre hadith, le messager d'Allah a dit, il y a une maladie qui descend une nuit, une fois dans l'année, et s'installe dans tout récipient découvert. Et comme on ne sait pas quelle nuit, donc, il est de notre devoir de mettre en application cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de couvrir les ustensiles. Donc, il faut éteindre le feu la nuit, car c'est un ennemi. Et le messager d'Allah a annoncé que le fouet et siqa, la souris, tire le cierge la nuit pour brûler les habitants de la maison. Et, apparemment, la souris, le bout de sa queue ne se brûle pas et il met le bout de sa queue au feu et après il tourne dans la maison pour allumer le feu dans la maison. Il faut essayer les souris, on a le droit de les tuer, même sur le territoire sacré, même derrière les couvertures de la Kaaba. Donc il est de notre devoir de se rappeler avec le froid aussi, le froid glacial de l'hiver, le feu de l'enfer. Le froid glacial de l'hiver doit nous rappeler Zemharir. Le froid glacial qui est Zemharir, décrit en tant que Zemharir, doit nous rappeler le feu de l'enfer. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le feu de l'enfer s'est plaint à son souverain en disant, « Ô souverain, mes parties se sont consommées entre elles. » Allah lui a autorisé deux souffles, un souffle en hiver et un autre l'été. C'est ce que vous ressentez comme grosse chaleur et c'est ce que vous ressentez comme froid glacial. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc avec le froid glacial et avec les grosses chaleurs, nous devons nous rappeler le feu de l'enfer. Donc le froid glacial qu'on ressent l'hiver, c'est le souffle qu'Allah a autorisé au feu de l'enfer. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Le hadith est rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim. Et Muslim, rahimahullah, rapporte le hadith de Ali ibn Hatim, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah va parler à chacun de vous sans interprète. À chacun Allah va parler sans interprète. Et la personne devant Allah regardera. Et la personne devant Allah regardera à sa droite. Il ne verra que les œuvres qu'il a faites. Et il regardera à sa gauche. Il ne verra que les œuvres qu'il a fait. Et il regardera devant lui. Il verra le feu en face. Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que par une moitié de date. Ainsi a dit le messager, alayhi salatu wassalam. Donc, la chaleur, le froid glacial, doit nous rappeler le feu de l'enfer. Allah, Azza wa Jal, nous a clarifié la puissance du feu de l'enfer dans Sourate Isra, verset 97-98, c'est-à-dire le voyage nocturne, verset 97-98. Le verset nous dit cela, « قال عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. » La traduction approximative du sens de ce verset nous dit: nous les rassemblerons face contre terre, aveugles, muets, sourds. La Jehenne sera leur destination finale, c'est-à-dire le feu de l'enfer sera leur destination finale. Chaque fois que son feu s'affaiblira, nous l'attiserons afin qu'il les consume davantage. Telle sera leur rétribution pour avoir renié une signe. Pour avoir renié une signe, le voyage nocturne, verset 97-98. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu arda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre feu que le descendant d'Adam allume n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Ils ont dit: par Allah, il aurait été suffisant. C'est-à-dire la partie que nous avons était suffisante. Et il a dit: il est plus fort de 69 fois. 69 fois est comme la chaleur de votre feu. Il est plus forte et sa chaleur est plus forte que votre chaleur 69 fois. Allah al-Musta'an. Et le combustible du feu de l'enfer est cité dans le Coran. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dans sourate l'interdiction, verset 6, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: ou vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront les combustibles et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et qui exécutent tout ce que leur est demandé. Regardez, le combustible, c'est quoi, dit dans le Coran? Les hommes et les pierres. Wallahu al-musta'an. Dans le hadith authentique et authentifié par Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayh, dans Targhib wa Tarhib, selon Abu Huraira radiyallahu anhu arda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si dans la mosquée il y a 800 000 personnes au plus et qu'un homme de l'enfer souffle, si son souffle les touche, il brûlerait tous ceux qui sont dans la mosquée. Imaginez, 100 000 auraient brûlé rien que par le souffle d'un homme de l'enfer. Regardez cette image que nous a donnée le messager alayhi salatu salam. Cela prouve la dureté et la force de ce feu de l'enfer duquel nous devons nous préserver. Nous devons nous préserver du feu de l'enfer en préservant nos langues, en préservant notre vue, en préservant notre vie, en préservant les membres de notre corps. Et le plus important à préserver, c'est nos cœurs et nos intentions. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri du stratagème d'Allah. Nous ne devons pas nous penser en sécurité, car on est croyant, car on connaît la voie du salaf. Mais nous devons avoir toujours la peur d'être frappé par une épreuve qui nous dépouille de notre croyance. Et ceci doit se faire par le fait de préserver les droits d'Allah et par le fait de purifier nos cœurs et d'agir de façon à accomplir taqwa en mettant en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, espérant la récompense min Allah, et s'abstenant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve en ayant peur du châtiment d'Allah azza wa jal. Et On doit accomplir ce que nous pouvons parmi ce que nous a été ordonné et de s'abstenir de ce qui nous a été interdit. قال عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Dans Sourate Al-A'raf, verset 99, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Se croit-il à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls ceux qui courent à leur perte se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Donc nous devons sans cesse nous repentir et revenir à notre souverain subhanahu wa ta'ala et nous acquitter des préjudices que nous avons fait subir aux autres par la médisance aux autres ou par le fait de les avoir volés ou de les avoir trahis avant le jour où les comptes ne se feront plus avec de l'argent mais avec les bonnes œuvres et les mauvaises. C'est-à-dire, si on n'a plus de bonnes œuvres à leur donner, on prendra de leurs mauvaises œuvres et on les déchargera de leurs mauvaises œuvres. Wallahu al-musta'an. Durant la saison d'hiver, nous devons nous rappeler aussi la situation des pauvres et des nécessiteux et nous devons les aider. Le monde surrégatoire est légiféré en tout moment. Mais au moment de la difficulté, il aide beaucoup les nécessiteux et les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Et il y a beaucoup de textes dans le livre d'Allah et la Sunna qui nous incitent à l'aumône. قال عز وجل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Dans Sourate Al-Baqarah, la verse 177, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Et à donner de ses biens, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants, de même à dilier les jocs. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ الصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Toujours dans Sourate Al-Baqarah, verset 280, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Mais il est meilleur pour vous de faire l'aumône. Et dans les authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira radiallahu anhu arda, a dit, au jour de la résurrection, sept personnes seront sous l'ombre qu'Allah a créé. Et il a cité parmi ces sept, un homme qui a fait une aumône discrètement, au point que sa main gauche n'a pas su ce que sa droite a donné. L'aumône discrète est mieux. قال عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. Dans Sourate Al-Vache, verset 271, la traduction 271, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Il est meilleur pour vous de la donner aux pauvres avec discrétion. Agissons discrètement, en donnant l'aumône, éloigne l'ostentation. Sauf, on peut la donner publiquement s'il y a un intérêt à la donner publiquement, pour inciter les gens à faire de même et pour inciter les gens au bien. Quand on la donne, il faut, et quand on la donne, il faut qu'on soit apaisé par cet acte. Il faut que notre cœur soit apaisé par ce geste, et qu'on ne fasse pas du tort, on rappelle notre geste à celui à qui on a donné l'aumône. Car il est dit dans le verset, « Ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. » Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, la vache, 266, « Où vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes, par un rappel au tort à l'instar de celui qui dépense ses biens par ostentation. Donc nous devons faire très attention quand on accomplit nos œuvres, qu'on ne les annule pas par l'ostentation, parce que ce sentiment qui naît dans les cœurs. Il faut qu'on se rappelle les pauvres durant l'hiver, durant le froid de l'hiver, pendant le froid de l'hiver, car la charité au moment du besoin est méritoire. Des fois, au lieu de regarder le visage de nos frères et la tête de nos frères, qu'on baisse un petit peu le regard vers les pieds de nos frères. Certains ont des sandales qui tiennent à peine aux pieds, alors que d'autres ont une série de chaussures dans le placard. Parfois, nos frères ont des baskets et des chaussures qui ont un gros sourire. Un gros sourire. C'est-à-dire, leur semaine ne tient plus. Que notre surplus de vêtements, de chaussures, sert à apaiser nos frères dans la nécessité et dans le besoin. Et qu'on n'attend pas qu'ils demandent. Certains de nos frères, qui aiment le bien, disent à leurs frères qu'ils savent dans le besoin, qu'ils savent qu'ils n'ont pas de revenus, qu'ils n'ont pas d'aide, etc., et qu'ils ne trouvent pas de travail. Et lui dit, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Ou si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, n'hésite pas. Et ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Salaf agissait. Salaf, quand ils savent le besoin de quelqu'un, ils accouraient plutôt vers le fait de savoir si la personne a besoin de quelque chose. Ils n'attendent pas que la personne leur demande. On ne doit pas attendre la demande, car le frère ne va pas te demander. Du moment qu'on sait que tel est dans le besoin, et que tel est dans la nécessité, et que tel ne trouve pas de travail, nous ne devons pas attendre sa demande. Nous devons agir et accomplir notre devoir vis-à-vis de lui. Écoutez ce noble hadith, dans Sahih Targhib wa Tarhib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres méritoires, c'est le fait de procurer la joie du croyant. Soit en lui offrant des habits, soit en le nourrissant à sa faim, ou que tu fasses quelque chose pour lui. Regardez et méditez cette parole du messager alayhi salam, celui qui ne parle pas de ses propres passions et qui n'a dit que la vérité alayhi salatu salam. Les œuvres méritoires, c'est le fait de procurer la joie du croyant. Soit en lui offrant des habits, soit en le nourrissant à sa faim, ou que tu fasses quelque chose pour lui. Imagine la joie avec laquelle tu vas combler ton frère qui grelotte de froid. Hein? Et qu'on n'oublie pas que dans notre argent, et dans notre bien, il y a les droits en dehors de la zakat obligatoire. Comme le fait d'apaiser tes proches et que tu entretiens tes frères du sang et ceux de ta religion et donner à ceux qui demandent et prêter à celui qui demande, à celui qui demande le prêt et donner du temps à celui qui est en difficulté à rembourser. Tout ceci, nous devons l'accomplir ainsi. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ils accordaient sur leurs biens un droit aux mendiants et aux diminués. La traduction approximative du sens du verset dans sourate Dariyat. Et donc il est obligatoire de nourrir ceux qui ont faim, et d'honorer l'hôte, et d'habiller celui qui n'a pas d'habit, et donner à boire à celui qui meurt de soif. Tous ces actes font partie de la noblesse de notre noble religion. C'est une religion de miséricorde, d'apaisement, de fraternité et d'entraide. Tout ceci doit être accompli pour Allah et uniquement pour Allah. Et il est rapporté par Ibn Abi Shayba, dans le Musannaf, il parle l'imam Ahmed dans Zuhd. Et c'est aussi un atar qu'on remonte au messager d'Allah chez Tirmidhi, le hadith de Amir ibn Mas'ud. A dit que le prophète a dit, le butin froid, c'est le jeûne de l'hiver. C'est-à-dire le butin froid, c'est le fait de jeûner l'hiver. L'Albani, rahmatullah alayhi, a authentifié ce hadith. Il a été aussi rapporté en version élevée, qu'on élève directement au prophète alayhi salam, le hadith d'Anas et de Jabir ibn Abdillah. Un hadith similaire, et il a été confirmé que Abu Huraira a dit, radiallahu anhu arda, voulez-vous que je vous montre le butin froid? Ils ont dit, oui. C'est quoi, ô Abu Huraira? Il a dit, le jeûne en hiver, le fait de jeûner en hiver. Et il a été confirmé de Ubayd ibn Umayr que quand l'hiver arrive, il disait aux gens, Ubayd ibn Umayr disait aux gens, la nuit est longue pour votre lecture, et le jeûne est que, et le jeûne est court pour votre, et le jour est court pour votre jeûne. Jeûnez. Regardez ce salaf, comment, c'est ce conseil qu'il donne. Il dit, la nuit est longue pour les prières nocturnes, pour la lecture du Coran durant cette prière nocturne. Et la journée est courte pour jeûner. Donc Ibn Rajab, dont la Ta'if rapporte avec une chaîne de transmission authentique, il rapporte de Qatada, qui est le rapport de Hassan al-Basri, qui dit, il nous a été transmis que les anges sont contents en hiver pour le croyant. Sa nuit est longue pour accomplir les prières nocturnes, et sa journée est courte pour jeûner. Regardez comment les anges sont contents pour les croyants l'hiver, parce que la nuit est longue pour qu'ils puissent accomplir les prières nocturnes, et la journée est courte pour jeûner. Et ceci, ce tatar est rapporté par l'imam Ahmed dans son livre Zuhd. Il le rapporte de Qadada avec une chaîne de transmission authentique. Certes, la saison d'hiver est une grâce et un butin pour le croyant. Les nuits sont longues pour accomplir les prières nocturnes et les journées sont courtes pour le jeûne. Et il faut retenir que l'honneur du croyant et l'élévation du croyant est dans l'accomplissement des prières nocturnes. L'honneur et l'élévation du croyant est dans l'accomplissement des prières nocturnes. Dans le hadith rapporté par Tabarani et d'autres, le cheikh Nasr, l'imam Nasr al-Albani, jusqu'au ce hadith est un hadith hassan, dans la chaîne des authentiques, Silsila Sahiha, le hadith de Sahl ibn Sa'd Sa'idi, il a dit que Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô Muhammad, vis comme tu veux, tu vas mourir et accomplis ce que tu veux, tu vas en être rétribué, et aime qui tu veux, tu vas t'en séparer, et sache que l'honneur du croyant est dans l'accomplissement des prières nocturnes, et sa fortune est de ne pas dépendre des autres. Écoutez, écoutez cette promesse et ce grade donné aux prieurs qui prient les prières nocturnes. Il sache que l'honneur du croyant est dans l'accomplissement des prières nocturnes et sa fortune est de ne pas dépendre des autres. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré la sunna des prières nocturnes et il accomplissait, sallallahu alayhi wa sallam, il l'accomplissait toutes les nuits, alayhi salatu wa sallam. Et si une nuit, le messager ne pouvait pas accomplir les prières nocturnes à cause de la fatigue, de la maladie ou autre, il le rattrapait durant la journée. Pourquoi? Car c'est l'honneur du croyant. Médite cette forte recommandation et sache que l'honneur des croyants est dans l'accomplissement des prières nocturnes. Cette parole, c'est pour l'incitation à ce noble acte. Et chacun de nous regarde et médite où il en est par rapport à cet honneur. Chacun de nous regarde et médite où il en est par rapport à cet honneur du croyant. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié que les prières nocturnes, c'est toute l'année et que le souverain, subhanahu wa ta'ala, est très proche de son serviteur au dernier tiers de la nuit. Et le serviteur est très proche de son Seigneur quand il se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les prières nocturnes jusqu'à ce que ses pieds se gonflent. Et quand on lui a dit pourquoi il agit ainsi, il a répondu, j'aime être un soumis remerciant. J'aime être un soumis reconnaissant, remerciant. Le hadith est chez le Bukhari. Dans le hadith duquel Albani dit que c'est un hadith hassan, dans la chaîne des authentiques, le hadith d'Abdullah ibn Amr a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé que celui qui accomplit les prières nocturnes avec 10 versets, il ne sera pas marqué parmi les inattentifs. Et celui qui accomplit les prières nocturnes avec 100 versets sera marqué par Al-Qanitin, c'est-à-dire les obéissants et ceux qui accomplissent constamment les obéissances. Et celui qui les accomplit avec 1000 versets sera marqué parmi ceux qui auront des quintales, c'est-à-dire des quintales de récompenses dont on ne connaît la réelle valeur et le nombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez ici, et celui qui accomplit les prières nocturnes par 10 versets seulement ne sera pas marqué parmi les inattentifs. Alors, ne soyons pas inattentifs, ne soyons pas du nombre des inattentifs si on n'arrive pas à plus. Et méditez comment celui qui a été envoyé comme miséricorde fait dua pour celui qui a accompli 2 unités de prière nocturne. Et il a dit dans le hadith, il a dit alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, le hadith d'Abu Huraira, que l'imam al-Albani rahmatullah alayhi a authentifié dans l'authentique de Abu Daoud. Il a dit alayhi salatu wassalam, qu'Allah couvre de sa miséricorde un homme qui accomplit 2 unités de prière nocturne et qui réveille sa femme, et s'il ne se réveille pas, il humecte son visage avec de l'eau. Et qu'Allah couvre de sa miséricorde une femme qui se réveille et accomplit 2 unités de prière et réveille son mari, et s'il ne se réveille pas, il humecte son visage avec de l'eau. Regardez, la situation est très importante. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre aussi dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, hadith authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi dans Sahih Targhib. Le messager a dit, au paradis existent des chambres dont l'intérieur se voit de l'extérieur et l'extérieur se voit de l'intérieur. Abu Malik al-Ash'ari a dit, ils sont pour qui au messager d'Allah? Et il a dit alayhi salatu wassalam, pour ceux qui prononcent des bonnes paroles et qui nourrissent la nourriture, c'est-à-dire ils nourrissent les pauvres, et qui propagent salam et qui accomplissent les prières nocturnes alors que les gens dorment. Regardez tous ces mérites des prières nocturnes, en plus du doua du messager alayhi salatu wassalam. Et l'hiver est une bonne saison pour acquérir ces nobles récompenses, car les nuits sont longues. Hein? Qu'Allah nous donne la réussite dans nos adorations et qu'Allah nous raffermit dans sa voie. Et parmi les choses importantes durant l'hiver aussi, c'est le fait de jeûner les journées d'hiver, car les journées sont courtes. Abu Umama, écoutez ce message, ce noble compagnon. Abu Umama a dit, ô messager d'Allah, montre-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis. Le messager lui dit, le jeûne, il n'a pas d'équivalent. Et depuis, écoutez ça, et depuis on ne voyait plus la fumée du feu de la cuisine de Abu Umama la journée, depuis qu'il a entendu ce hadith. Car toute la famille jeûnait, et quand on voyait le feu sortir de chez Abu Umama, on sait qu'ils ont un invité. Qu'Allah agrée les nobles compagnons, radhiallahu alayhim. Le hadith de Abu Umama est authentifié par l'imam al-Albani rahmatullah alayh dans Sahih Targhib wa Tarhib. Il a posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour savoir qui est l'œuvre la plus méritoire, et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers le jeûne, khlas, on voyait plus la fumée sortir du foyer de Abu Umama. Et quand on voyait le feu sortir la journée, on sait qu'ils ont un invité, car ils jeûnaient tous, ridwanullahi alayhim. Le messager d'Allah nous a enseigné une forme de jeûne pour purifier le cœur aussi, pour purifier nos cœurs de la trahison, purifier nos cœurs de toutes ces maladies du corps qui sont le wasawis, la jalousie ou autre, pour qu'ils soient purs pour Allah. Dans le hadith rapporté par Nasa'i et authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayh dans Sahih Targhib wa Tarhib, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous annonce ce qui fera purifier vos cœurs de la trahison. Je vous annonce ce qui fera purifier vos cœurs de la trahison. Et il a dit le jeûne de 3 jours chaque mois. Le jeûne de 3 jours chaque mois. Donc, celui qui veut se débarrasser de la trahison qu'il a pour les musulmans, son remède est dans l'enseignement du messager alayhi salam. Celui qui veut se débarrasser des wasawis et des maladies du cœur, ben le remède est dans la parole et dans l'orientation du messager alayhi salam, le fait de jeûner 3 jours par mois. Et il faut faire très attention quand tu vois que tu es paresseux et que tu ne te lances pas dans l'obéissance et l'accomplissement du bien, il faut que cela t'effraie, il faut que cela te fasse peur, car Allah a décrit des gens ainsi dans Sourate le Repentir, verset 46. Qala azza wa jal, walakin kariha Allahun bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dans Sourate le Repentir, verset 46, il est dit: mais Allah réprouva leur départ à vos côtés, ainsi il leur ôta toute détermination, et ils s'entendirent signifier: restez avec les impotents. La situation est très grave. Donc si la personne n'a pas de détermination pour accomplir le bien, il doit avoir peur. Peut-être qu'il subit ce que subissent ceux qui sont cités dans le verset. Qu'Allah nous préserve de subir cela et qu'on reconnaisse la grâce d'Allah. Tant qu'on a la vie et tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, nous devons reconnaître la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être encore en vie et de saisir cette vie et cette occasion, et cette grâce de la saisir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'accomplissement des bonnes œuvres qui vont nous rapprocher d'Allah. Été comme hiver, nous devons accomplir les bonnes œuvres. Car le capital du musulman, c'est sa vie. C'est pour ça qu'il faut œuvrer et tenir à ce qui va être bénéfique et ne pas perdre ton temps dans les futilités. Et tiens à ce qui te sera, à ce qui va être meilleur. Et il faut que tu tiennes à ce que tu sois parmi les meilleurs. Il faut que tu tiens à ce que tu sois parmi les meilleurs gens. Comme cela a été annoncé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi, dans Sahih Targhib wa Tarhib, selon Abi Bakra radiyallahu anhu arda, un homme dit: ô messager d'Allah, qu'il est le meilleur parmi les gens. Qu'il est le meilleur parmi les gens. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, celui dont la vie a été longue et qui accomplit les bonnes œuvres. Celui dont la vie a été longue et qui accomplit les bonnes œuvres. Et il lui a dit, et qui est le pire des gens? Il a dit, celui dont la vie a été longue et qui n'accomplit que les mauvaises œuvres. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la vie, accomplis les bonnes œuvres pour être parmi les meilleurs. Et fais très attention aux mauvaises œuvres. Nous devons implorer Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour, pour nous aider à accomplir le bien. Car sans l'aide d'Allah, on est foutu, on n'est rien du tout, on ne peut rien du tout, ni pour notre mondain, ni pour notre religion. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse libres à nous-mêmes, face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, وصفاته العلى أن جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا